50 languages. 66. 66. الضمائر الملكية رقم واحد. Pronom possessif 1. Pronom possessif 1. أنا يا يا je ma mon لا أجد مفتاحي je ne trouve pas ma clé je ne trouve pas ma clé لا أجد تذكرة سفري je ne trouve pas mon billet Je ne trouve pas mon billet. Anta, kaf. Tu, ta, ton. Tu, ta, ton. Hal wajadta miftahak? As-tu trouvé ta clé? As-tu trouvé ta clé? Hal wajadta tadhkirata safarik? As-tu trouvé ton billet? As-tu trouvé ton billet? Il, ça, son. Il, ça, son. أتعلمُ أين هو مفتاحه؟ Sais-tu où est sa clé? Sais-tu où est sa clé? أتعلمُ أين هي تذكرة سفره؟ Sais-tu où est son billet? Sais-tu où est son billet? هي ها Elle ça son. Elle ça son. لقد فقدت نقودها. Son argent a disparu. Son argent a disparu. كما أنها فقدت بطاقتها الائتمانية. Sa carte de crédit a aussi disparu. Sa carte de crédit a aussi disparu. نحن نا Nous notre. Nous notre. جدنا مريض. Notre grand-père est malade. Notre grand-père est malade. جدتنا بصحة جيدة. Notre grand-mère est en bonne santé. Notre grand-mère est en bonne santé. أنتم كم أنتن كن. Vous, votre. Vous. Votre. يا أطفال أين والدكم؟ Les enfants, où est votre papa? Les enfants, où est votre papa? يا أطفال أين والدتكم؟ Les enfants, où est votre maman? Les enfants, où est votre maman?